jamais accouché, je suis jamais retrouvé de maternité, si peut-être. Ah, bref, le préalable, c'est de dire que je m'intéresse aux écritures ordinaires, aux écritures professionnelles ou non professionnelles, aux archives personnelles, plus ou moins abandonnées par les sociologues et les historiens. Et donc, l'objet de la main courante, c'est une discussion sur, sur le modèle de la main courante de police. Est-ce qu'à partir du modèle de la main courante de police, on peut interroger d'autres espaces que la police? C'est d'essayer de voir en quoi d'autres métiers sont concernés par l'écriture au quotidien, l'écriture heure par heure, l'écriture minute par minute, l'écriture des détails, des observations très détaillées dans des endroits très précis ou dans des moments très précis. Et donc, par hasard, dans la série des métiers interrogés, il y a un jeune animal, il y a une assistante sociale, évidemment, il y a l'aide médicale dans un centre handicapé, et il y a ce cahier qui est là, ce journal qui est là, ce cahier, qui date de 1960-62, qui a été trouvé sur un trottoir en vente chez des brocanteurs. Il y a pas mal d'archives que je trouve comme ça, c'est un peu le hasard. Et donc, je me suis interrogé à partir de ce cahier pour essayer de voir en quoi ce document nous apprend, nous instruit, nous interroge sur quels sont les mots pour dire l'accouchement, comment le regard est orienté, sur quoi le regard est orienté, et comment l'élève infirmière, puisqu'ici il s'agit d'une infirmière accoucheuse, une élève infirmière accoucheuse, qui apprend son métier, qui va l'apprendre pendant 2 ans, et qui va retranscrire dans son cahier, dans ce cahier, son exercice corrigé par l'infirmière en chef, au stylo rouge. Et donc, grâce aux corrections qu'on peut voir sur le cahier, toutes les corrections qui sont faites, on voit justement le redressement, non seulement de la langue, le redressement de l'orthographe, mais surtout le redressement des mots, comment substituer des mots à d'autres. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire sur le langage pour décrire la réalité de l'accouchement. Alors, ce qui est intéressant, comme ça, très schématiquement, c'est que une femme accouche, une femme l'aide à accoucher, met des mots sur ce qui se passe, apprend à la femme à trouver les mots, à prendre les mêmes mots pour dire ce qui se passe, et c'est corrigé par une femme chef qui corrige la femme, qui corrige la femme. Donc c'est une cascade de correction de femmes entre elles pour essayer de redresser ou la langue, ou redresser l'acte, ou redresser... Enfin, bref, il faut essayer de... Alors évidemment, comme c'est des années 60, vous connaissez évidemment l'histoire, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez probablement très sommairement. Il y a deux, trois grandes luttes qui sont menées à partir de la naissance de l'accouchement sans douleur. Excusez-moi de mon sourire. C'est justement de faire que les élèves infirmières accoucheuses apprennent à ne plus écrire hurlements, cris, douleur, et qu'elles apprennent à dire contraction. Donc, l'air de rien, aujourd'hui, on s'est sans doute habitué, oui, j'ai mes contractions, mais il a fallu quand même une vingtaine d'années pour apprendre, pour substituer un mot, douleur, à un autre mot, contraction. Donc, c'est intéressant de voir comment l'élève dans son pays résiste. Il n'y arrive pas. Et par moments, ça sort du cahier, donc il n'a pas toujours des bonnes notes, parce que ça hurle quand même dans les... Là, on est à Bruxelles, on est à l'hôpital Saint-Louis, et évidemment, ça hurle plus d'une fois. Et donc, on entend des cris où elle dit « ça crie », et on dit « non, on ne dit pas que ça crie », etc. Donc, une, c'est bannir le mot de douleur. Il faut absolument dire aux femmes, absolument qu'elles se répètent « non, on ne souffre pas », non, il n'y a pas de douleur, c'est tout à fait pour le jour dont il s'agit. Mais je trouve ça formidable parce qu'il y a un côté admirable dans la force des mots. Parce que parfois les mots arrivent à convaincre et à se faire sentir aux femmes que peut-être ça pourrait être autre chose. Les femmes s'interrogent, oui, ça pourrait être autre chose. Deuxième glissement dans le langage, c'est glissement ou attention clinique extrêmement forte, qu'on va voir en photo, en image, c'est de décrire minute par minute la dilatation du col, avec cette métaphore absolument très très belle, de dilatation 1 franc, dilatation 2 francs, dilatation 5 francs, demi-paume, je crois, paume, enfin bref, voilà. Cette métaphore est intéressante parce qu'elle est extrêmement pratique. On a dû s'interroger longuement pour savoir quelle métaphore on pourrait prendre comme unité de mesure connue par tous. Et on s'est dit, la pièce de monnaie, tout le monde a manipulé un peu de pièce de monnaie, les infirmières ont dû connaître un peu la monnaie, donc à force de manipuler la monnaie, elles ont une idée d'une taille et dire 1 franc, 2 francs, 5 francs, demi-paume, etc. Ça, voilà, ça donne une mesure commune qu'on n'a pas besoin d'apprendre parce que tout le monde a déjà appris. Quoi. Donc c'est intéressant de voir comment il y a une espèce de chronométrie comme dans les chemins de fer, comme à la SNCF. Qu'est-ce qui se passe, j'allais dire minute par minute. Donc l'obligation d'écrire quart d'heure, heure par heure, mais qu'est-ce qui se passe. Troisième mot et dont qu'on essaye de faire glisser sur un autre, c'est la question des hommes absents. Beaucoup de femmes se présentent à l'accouchement, on leur demande est-ce que vous avez une mutuelle. C'est une question très importante qui est relatée dans le pays. Ah, vous n'avez pas de mutuelle, sous-entendu, on sait que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas de mari. Et donc, la notation habituelle, c'est femme abandonnée. Et donc, on apprend aux infirmières de ne plus mettre abandonnée. Hein, et on leur apprend à écrire vivant seul. Alors évidemment, il y a toujours une description qui est obligatoire sur l'état social de la famille ou la situation sociale de la femme, et immanquablement, dans la description de la situation sociale de la femme, revient sans arrêt, rôde sans arrêt, la présence, l'absence de tel ou tel homme qui revient, qui est parti. Elles ne peuvent pas s'empêcher de le décrire comme elles le savent et comme elles le disent habituellement. Donc c'est vraiment une lutte très importante d'essayer de définir les femmes autrement que par l'abandon. Dernier élément comme ça intéressant, c'est l'apprentissage du dessin. L'apprentissage à dessiner des objets, des instruments, on va le voir tout à l'heure. Dessiner des instruments et avoir une connaissance technique à minima en cas d'urgence sur le nom et la fonction de chacun des instruments. Donc c'est intéressant quand les gens, dans tous les métiers, c'est intéressant quand les gens se mettent à dessiner. C'est intéressant parce que le dessin, c'est une mise à disposition. On spatialise les choses, on dessine la table d'opération, le lieu des instruments. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un exercice pratique. Hein, c'est comme si on allait les utiliser. Certains, on apprend à faire comme si on allait les utiliser. Dernier élément le plus important, qui est très important, ce sont les catégories sur l'apprentissage du souffle. Vous connaissez l'histoire, parce qu'elle est contemporaine, évidemment. L'apprentissage de la respiration. L'apprentissage de la maîtrise des contractions, et c'est le petit chien. Faites le petit chien. Donc je pense que ça a duré 20 ou 30 ans. Avant le petit chien, il y avait apprendre à éteindre la bougie. On mettait sur le ventre de la femme une bougie, et elle devait absolument se concentrer sur la bougie allumée pour essayer d'éteindre la bougie. Il fait sans doute frapper son adversaire en train de faire. Et donc, l'exercice de la bougie, c'était bien centrer les lèvres, la bouche, le souffle, à un endroit donné, se couper en avant et arriver à éteindre la bougie. Donc il y a vraiment ce sont les conseils qu'on trouve dans les manuels, éteint la bougie et ensuite, à l'été, respirer comme un petit chien. Donc, vous connaissez la respiration du chien, vous faites tomber le petit chien. Donc, entre chaque contraction, les femmes réfléchissent et se préparent à faire la respiration du petit chien toutes les 3, 4 minutes, 6 minutes, etc. Donc, la respiration, elle est faite pour concentrer. L'exercice qu'on va voir, parce que je ne vais pas parler trop longtemps, l'exercice qui est intéressant, c'est comment on apprend à concentrer l'attention des femmes sur des objets ou bougies ou la respiration des petits chiens pour faire divergence. Comment ? Pour faire divergence. Oui, évidemment. Évidemment, et pour qu'ils aient l'esprit occupé à faire un exercice. Ça pourrait peut-être, on pourrait inventer tout de suite un autre exercice. Non. Mais ce qui est important, c'est de concentrer l'attention des femmes sur un objet donné, sur un exercice donné, qui fait, pour le dire, pour faire passer les douleurs. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est très très très frappant dans ce qu'elle dit, avec des notations. Est-ce que la femme respire bien, respire mal, est-ce qu'elle se taille, enfin bref, il y a une évaluation, il y a l'obligation de noter si la femme fait plus ou moins bien et comment elle fait. Hein, c'est, on doit rendre compte de est-ce que cette femme mère, est-ce qu'elle fait bien, comment elle fait, Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter 10 minutes la lecture d'extraits de texte et ensuite de voir quelques photos, quelques photographies de la fille. Deux à quatre heures. Rupture période des eaux, le 20 septembre 62 à 19h40. Durée de la période de dilatation, 14 heures. Durée de la période d'expulsion, 1 heure. Durée de la délivrance, 33 secondes. Durée totale de l'accouchement, 15h40. Perte de sang, 200 cc. Poids du placenta, 900 g, forme ovale. Cordon, longueur 60 cm. 10 novembre 62, Madame Adolphine. Respiration, elle a très vite fait ce qu'elle devait faire. Au début, sa petite respiration était parfaite. Vers la fin, il y avait des fois où elle ne voulait pas faire la petite respiration, mais ça n'a pas duré. Elle respirait vite. Relâchement, assez bon relâchement. Sur la table d'accouchement, elle suivait bien les ordres. Encouragement, elle y croit. 10 novembre 62, Madame Jeanne. Respiration, n'a pas voulu faire la petite respiration. Elle a dit que pour les deux accouchements précédents, elle l'avait fait, mais que cela ne lui avait pas servi. J'ai expliqué que c'est mieux. Relâchement, je montre, mais elle ne voulait pas comprendre. Heureusement que ses contractions étaient très espacées jusqu'à la fin. Encouragement, elle avait l'air de ne rien croire de tout ce que je lui disais. Elle était très méfiante. 11 novembre 62, Madame Rosa. Comportement de la parturiente, relation parfaite avec infirmière. La jeune parturiente a été très courageuse. Elle n'a pas suivi les cours de psychoprophylaxie et sa respiration et son relâchement ont été parfaits. Elle avait une très grande volonté et aussi une grande confiance personnelle. Elle faisait ce qu'on lui disait et elle est restée calme jusqu'à la fin. Respiration, elle faisait la petite respiration parfaitement bien. Relâchement, la jeune parturiente se relâchait très bien et elle est restée très calme pendant toute la période de dilatation et d'expulsion. Encouragement, elle en a eu besoin, surtout au début. Mon encouragement lui faisait du bien. 15 novembre 62, Madame Julienne. Situation sociale, Madame Julienne, divorcée depuis 2 ans. 6 semaines après le mariage, son mari était parti avec une femme très âgée pour lui. Après un certain temps, il est revenu, mais il est reparti bien vite. Ils sont divorcés. Après le divorce, il est retourné chez elle. Ainsi, elle a eu un second enfant de lui, mais il est resté que 2 jours. Cette fois-ci, il est venu pour 1 mois. Ainsi, elle a eu son 3e enfant. Les 2 derniers ne sont pas reconnus. Pour le premier, Il paye 1500 francs par mois. Elle travaille comme repasseuse. Respiration. La petite respiration, pas toujours bien. Mais elle faisait un effort quand même. Relâchement. Ne savait pas se relâcher et elle ne voulait pas essayer comme je lui montrais. Encouragement. Elle avait besoin de quelqu'un. Elle ne voulait pas que je quitte la chambre. 16 novembre 62, Madame René. Situation sociale. Madame René est divorcée de son premier mariage et a un garçon de 10 ans. L'enfant est assez vivant et elle avait peur qu'il soit resté seul pendant son séjour, seul avec le père de son deuxième enfant. Madame René fera vraisemblablement une sortie exigée. Relâchement aucun. Sur table d'accouchement, ne savait pas pousser. Elle pousse dans la gorge. 20 novembre 62, Madame Marguerite. Situation sociale, ils sont mariés. Le mari a 31 ans, profession laveur de vitres. Ils font partie d'une mutuelle, tout paraît bien. Respiration, elle n'a pas voulu faire la petite respiration. J'ai insisté pourtant dès que la contraction était sévère. Relâchement, on était là, elle ne savait pas plus ce qu'elle faisait. Pas bon relâchement. Encouragement, j'ai essayé de l'encourager, mais elle ne croyait plus à rien. 21 décembre 62, Madame Colette. Sur la table d'accouchement, la parturiente pousse très mal. Elle demande d'être endormie ou bien d'arrêter le travail pour continuer le lendemain car elle avait très sommeil. On décide de faire de suite deux ventouses car tension artérielle augmente. En plus, mauvaise volonté, ne voulait pas pousser. On fait une épisiotomie et on met la ventouse. Rien n'avance, parturiente très fatiguée. À 20h, on décide de faire une césarienne. À 20h35, naissance d'une fille par césarienne de 2,560 kg, 47 cm, cote de viabilité 3. À 20h37, naissance d'une fille de 2,800 kg, 49 cm, cote de viabilité 2. Respiration, j'ai montré la petite respiration, relâchement et comment pousser sur table d'accouchement. Petite respiration, plus ou moins bien au début. Relâchement, pas bon relâchement. Elle n'avait pas trop envie de faire ce qu'on lui disait et montrait de l'impatience. Elle a tout de même fait quelques exercices, comment prendre de l'air, comment pousser et se relâcher en salle d'accouchement. Encouragement, au début du travail, ça lui faisait du bien. Quand une nuit et une demi-journée étaient écoulées, elle ne voulait plus rien croire. 22 décembre 62. Situation sociale, Madame Paul, veuve, elle a une fille de 16 ans et une autre de 10 ans. Elle a fait 17 avortements et 13 curetages. Cet enfant n'est pas désiré et il n'y aura pas d'allocation familiale car le père est marié. On a surveillé Madame Paul de 7h à 9h. État psychologique très mauvais. Elle poussait des cris hystériques. Elle avait peur pour elle, évidemment, 13 curetages. Elle n'a pratiquement plus poussé. Dès que nous l'avons surveillée pour cette respiration, j'aurais aimé trouver le plan d'image pour lui montrer le basculement à faire. 2 février 63. Situation sociale. Madame Gisèle est séparée depuis un mois. Il est parti, m'a-t-elle dit. Alors elle en a trouvé un autre, et voilà. Car lui, dès qu'il a su qu'elle attendait un enfant, il l'a quittée de suite. Devant cette situation exceptionnelle, elle a voulu abandonner l'enfant. De suite après la naissance, elle était émue, a demandé à voir l'enfant, a demandé son poids, sa taille, mais elle l'a abandonné tout de même. Respiration. Elle n'a pas voulu faire la petite respiration. Ça n'avance à rien, disait-elle. Et parce que j'insistais, elle le faisait de temps en temps. Relâchement, rien que pour me faire plaisir. Son relâchement n'était pas mal, surtout les contractions. Elle le faisait pas mal. Encouragement, elle avait vraiment besoin d'être encouragée. Elle avait peur. Elle a répété plusieurs fois. Simultanément, la description à minima de la famille, des alliances, des séparations, du nombre d'enfants antérieurs, du maître d'un métier. Et ensuite, très vite, elle-même, qu'est-ce que la femme a accepté de faire, qu'est-ce qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire, et donc, un peu un exercice scolaire, en quelque sorte, de c'est bien, c'est pas bien, on aurait pu mieux faire, enfin, bref, il n'y a pas de notation, mais on pourrait évidemment y voir des notations. Un dernier mot qui est très présent dans le cahier et qui est combattu au stylo rouge. Donc, si vous voulez, l'intérêt, c'est de voir toute littérature au stylo rouge, qu'on va voir tout de suite. C'est le combat, encore une fois, des mots qu'il faut empêcher. Et donc, par exemple, il y a une expression qui est très très courante et qui semble être pleinement significative, c'est enfant attendu. L'enfant attendu, ça veut dire. Ça veut dire qu'on y a pensé, qu'il arrive. Enfin, vous voyez, c'est pas encore l'enfant désiré des années 70-80, d'accord ? L'enfant désiré, hein, l'expression l'enfant type désiré, c'est vraiment 70, c'est plutôt à partir de 70. Avant, c'est l'enfant attendu, vous voyez la nuance. L'enfant attendu, c'est un seuil plus bas que l'enfant désiré qui va, voilà. C'est pas l'accident. Voilà, c'est pas l'accident. L'enfant attendu, c'est pas l'accident. Voilà, autrement. Voilà. Donc c'est intéressant.